Certains l'appellent le Far West du XXIe siècle. Un lieu où ne règne aucune loi, où tous les coups sont permis, où les malfrats écument les banques lors d'assauts épiques et où il est très difficile de les retrouver, où des mines d'or de données se cachent dans le désert, où les vulnérabilités sont mises à prix lors des bug bounty, où chacun peut devenir entrepreneur et où l'écriteau prends garde à toi, étranger, et remplacé par la bannière accepter nos conditions générales ou quitter notre site internet. Je vous parle du web. Bienvenue sur le podcast du Mérovingien, le podcast où nous apprenons à mieux maîtriser et protéger nos outils numériques grâce à la cybersécurité. Aujourd'hui, ce dont j'aimerais vous parler, c'est la sécurité des sites web, parce que l'insécurité d'un site web, eh bien, elle peut détruire une entreprise. C'est parti pour le premier épisode de la conquête du web. Par la sécurité web, de la sécurité du web. Alors déjà, le web, il faut savoir que ça couvre les sites internet que l'on consulte le jour, et ça peut aussi concerner les applications dans les entreprises qui vont utiliser le web, le langage web, donc une application dans l'entreprise, ou ça peut aussi concerner des petits serveurs web qui sont installés sur les objets industriels. Donc vous voyez, le langage web, ça concerne beaucoup de monde. Ça concerne aussi les applications sur nos mobiles. Il y a beaucoup de choses qui sont similaires, beaucoup d'attaques qui sont communes. Donc c'est important de voir les bases de la sécurité web avant de regarder la sécurité des applications mobiles. Alors, pourquoi faire de la cyber pour la sécurité web ? Eh ben, il y a un premier cas qu'on pense, c'est que on a sûrement été, ou une de vos connaissances a déjà été victime d'une fraude par carte bancaire, on lui a sûrement volé de l'argent ou volé quelque chose. Donc ça, c'est la première protection, c'est de protéger nous, clients, notre argent et nos données sensibles. Après, donc il y a la fuite de données. Une entreprise peut se faire, un site internet peut se faire voler des données qui étaient confidentielles ou qui étaient cachées du public. Après, si vous êtes propriétaire de site internet, bah, vous voulez savoir peut-être comment vous protéger ce site internet, parce que n'importe qui peut taper le nom dans l'adresse et peut commencer à manipuler le site internet. Donc c'est important de le protéger, puisque vous en êtes responsable. Vos clients vous font confiance, ils vous confient leurs données ou leur argent, donc vous devez protéger votre site internet. Et le dernier cas, bah, c'est peut-être que vous êtes féru de technologie et vous voulez savoir comment un site web se protège, vous voulez savoir manipuler, avoir de nouvelles connaissances sur ce domaine, parce que ça peut aussi vous aider dans votre domaine autre que le site internet. Ça peut être la programmation, la sécurité d'OS. Enfin, si on commence par ce sujet, pour moi c'est le plus abordable et le plus important, mais il y a beaucoup de choses qui seront en commun avec d'autres thèmes de la cybersécurité. Avant de parler du plan du cours que j'aimerais développer avec vous, je vais vous pointer trois ressources que vous pouvez consulter sur Internet. Parce que le problème avec la cybersécurité, c'est qu'il y a beaucoup de ressources sur Internet et il faut savoir sélectionner les meilleures pour avancer concrètement et ne pas s'éparpiller sur toutes les ressources. Donc sur le sujet de la sécurité web, il y a d'abord le livre, le classique, c'est The Web Security Handbook. Je vous mettrai le nom du livre dans la description. Donc ce livre reprend tous les classiques de la sécurité web. Il y a une bonne introduction au thème. Il présente ensuite les attaques sur les différents mécanismes. Et il donne une méthodologie à la fin. Ceux qui ont fait ce livre, ils ont fait deux éditions. Et en fait, la troisième édition, c'est leur site internet, PortSwigger, qui est assez sympa à consulter. C'est quand vous avez une question un peu précise, vous pouvez consulter dans le glossaire, dans l'annexe de ce site, et retrouver les explications, elles sont très claires. Donc il y a le livre, The Web Security Handbook, le site internet, PortSwigger, je vous mettrai aussi le lien, Et en fait, si vous faites comme moi, vous commencez à lire le livre de manière un peu brute. Enfin, les introductions, elles sont bien faites, mais après, le livre, il fait quand même 800 pages. Du coup, il y a un professeur, Sam Brown, aux États-Unis. Je vous mettrai aussi le lien de son cours, qui décrit qui suit le livre, voilà, dans un cours de 5-6 heures. Et voilà, il y a beaucoup d'anecdotes, c'est assez vivant, voilà, comme cours. En plus, il donne des exercices à faire qui sont disponibles sur son site internet. Il n'y a pas besoin de s'inscrire comme étudiant. Donc, ce cours, ça m'a beaucoup aidé à apprendre à naviguer dans ce gros livre. Voilà, donc le livre, le cours et un site pour vous entraîner. Bah, je vous propose Pentester Lab. Donc, il y a une partie payante, une partie gratuite, mais en tout cas, les exercices sont très bien faits, vous pouvez avancer, c'est assez progressif et on vous explique bien la solution, c'est bien documenté, donc c'est celui qu'on peut consulter pour voilà, optimiser le temps qu'on y passe. Donc Pentester Lab. Bon, ce que je vous conseille, c'est peut-être de commencer par le livre et le cours et d'alterner ensuite avec le site internet qui donne aussi d'ailleurs des certificats, voilà, ça peut être intéressant à mettre en valeur. Donc voilà pour les ressources, maintenant je vais vous parler du cours que j'aimerais proposer, que j'aimerais construire et vous proposer. Donc le plan du cours, il se définirait en quatre parties. La première partie, c'est la description des technologies du web. C'est toujours important de savoir comment marche quelque chose avant de le hacker. Donc les technologies du web, je vais décrire la partie serveur, la partie client, la partie des réseaux. On va voir les fonctions principales ensuite d'un site internet, donc diffuser des informations, pouvoir télécharger du contenu, pouvoir effectuer des paiements. Voilà, il y a différents buts dans les sites internet, différentes fonctions, et voilà, c'est ces fonctions évidemment qu'on va protéger après. Et une fois qu'on a déterminé les fonctions, ben, on regardera les technologies. On a le langage web statique, des pages statiques, donc HTML et CSS, on parlerait rapidement. Ensuite, on a les langages web dynamiques, PHP et JavaScript, notamment. C'est des langages qui permettent d'avoir des interactions avec l'utilisateur, que des choses s'exécutent sur le PC de l'utilisateur, qu'on peut avoir des formulaires, des sessions, et voilà, il y a beaucoup plus d'interactions et donc plus en plus de vecteurs d'attaque, évidemment. Et puis, je vous parlerai aussi des bases de données sur le serveur, quoi. Donc tout ça, c'est les technologies du web que je propose de décrire dans une première grande partie que je développerai. La deuxième grande partie, ce serait les scénarios d'analyse de risque, parce qu'une fois qu'on a compris, et voilà, comment notre outil il fonctionne, comment le web fonctionne, et ce serait de décrire les types de, voilà, de sites web, e-commerce, médias, réseaux sociaux, moteurs de recherche, et donc de faire des analyses de risque sur ces différents types de sites internet, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes fonctions, les mêmes buts. Et ils veulent pas protéger forcément les mêmes choses avec les mêmes priorités. Il y a les banques aussi, oui, vous voyez, dans les types de sites internet. Donc, on développera les analyses de risque après avoir développé les technologies. Et en troisième partie, je propose de développer donc les scénarios, les types d'attaques qu'on peut avoir. Il y a des attaques très connues, voilà, sur les bases de données, sur ce qui est lié au PHP, au langage dynamique. Donc tout ça, ben voilà, ce serait de faire une liste, un peu de course des attaques les plus classiques, pour connaître ces classiques. Et enfin, une fois que donc on aura décrit la technologie, décrit les analyses de risque, qu'est-ce qu'il faut prioriser sur le site internet, décrit les attaques types, eh ben on va décrire ce qui est le plus dur à faire, c'est les mesures à mettre en place pour protéger votre site internet. Donc, ça va être dans la façon dont vous allez le coder, dont vous allez l'héberger, dont vous allez gérer l'interaction avec l'utilisateur, les sessions, les droits, les mots de passe, les ports que vous allez ouvrir. Enfin, il y a tout un tas de bonnes pratiques qui vont répondre à notre analyse de risque et à nos attaques types qu'on aura vues avant. Donc, j'espère que vous allez apprécier le cours que je vais vous présenter. Donc, je pense que je vais publier des podcasts régulièrement avec peut-être des articles, des illustrations pour avancer ensemble et que on puisse progresser dans ce domaine de la sécurité du web qui est essentiel pour nous et pour vous. Quand le web est apparu, les pages étaient statiques. Puis les sites deviennent plus dynamiques. Les utilisateurs peuvent soumettre des données. Et tous les serveurs font confiance à cette donnée. mais ils ne pensent pas aux actions malveillantes. Il faut donc valider ces données attirantes. Apprenez comment fonctionne le web, réalisez des analyses de risque, étudiez les attaques classiques pour mieux défendre votre site web.